إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا في كتابه قصص الأمم الخالية الماضية حين يرسل إليهم الرسل فيؤمن به بعضهم ويكفر به أكثرهم، ثم تكون العاقبة أن يهلك الله الكافرين وينجي المؤمنين، ليكون لنا فيهم عظة وعبرة، والسعيد من وعظ بغيره. ومن القصص التي تكرر ذكرها في القرآن قصة قوم صالح، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى ثمود وهم عاد الثانية الذين كانوا يسكنون الحجرة المعروفة بمدائن صالح، ولا تزال مساكنهم موجودة وقائمة إلى يومنا هذا، وهي التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونزل بها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخلوا بيوتهم، ونهاهم عن استعمال مياه آبارهم إلا مياه البئر التي كانت تردها الناقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وكان الثمود قد جاءت بعد هلاك عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأحقاف، وقوي سلطانهم وعظم شأنهم، وأغدق الله عليهم النعم، فكانوا في بيوت عالية وجنات مثمرة وعيون متفجرة ونخيل باسقة مثمرة، كما قال تعالى في شأنهم: أتتركون فيها فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran les histoires du peuple qui nous ont précédés, lorsqu'Allah azza wa jal leur a envoyé des prophètes et messagers, et peu d'entre eux crurent en ces messagers, et la plupart ont subi le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jal extermine et châtie ceux qui ne croient pas en ses prophètes, et préserve et sauve les croyants. Ceci, ces histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans son noble livre, sont pour nous des morales et sont pour nous des leçons. Et l'heureux, l'intelligent, est celui qui tire des leçons d'autrui. Parmi ces histoires qu'Allah Azza wa Jal a citées dans de nombreuses reprises, l'histoire du peuple de Salih, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Salih au peuple de Thamoud, qui sont appelés également les deuxièmes Ad, qui vivaient dans l'endroit appelé Al-Hijr, connu sous le nom de Mada'in Salih, et leurs maisons sont toujours existantes et sont toujours visibles jusqu'à nos jours, et ceci dans le nord-est de l'Arabie Saoudite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Tabouk, est passé à proximité des maisons de Thamoud. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit à ses compagnons d'entrer dans leur demeure et leur a interdit de boire de leur puits, exception faite au puits dans lequel buvait la chamelle, qui était un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Salih, comme cela est rapporté dans les deux sahihs de l'imam al-Bukhari et Muslim. Thamoud, le peuple de Salih, sont apparus après la destruction du peuple de Houd, les premiers Ad. Et lorsque leur pouvoir grandit, et lorsqu'ils prirent de plus en plus d'ampleur, après qu'Allah Azzawajal les ait comblés de bienfaits, ils ont construit des maisons élevées, ils avaient à leur disposition des jardins fructueux, ils avaient à leur disposition des rivières et de nombreux fruits. Comme le relate Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ash-Shu'ara, « Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition, au milieu de jardins de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes. Vous creusez habilement des maisons dans les montagnes. » Allah Azzawajal leur a donné une force telle qu'ils creusaient leurs maisons dans les montagnes. فَلَمَّا كَفَرُوا وَجَحَدُوا وَعَبَدُوا مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى تِلْكَ الْجَرِيمَةُ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الْجَرَائِمِ وَالذَّنْبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ذَنْبُ أَنْ تَعْبُدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مِنْ قَبْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أو ملك أو نبي أو ولي تدعوه وتستغيث به وتطلب منه الشفاعة عند الله تذبح له وتنذر له كل ذلك أعظم ذنب على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأرسل إليهم سبحانه وتعالى عبده ورسوله صالحا لتقوم به الحجة عليهم وتنقطع به المعذرة منهم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقد اختار الله صالحا اختيارا فاصطفاه وأحسن نباته وأدبه قبل أن يوحي إليه حتى عرف بين قومه بالفضل والكمال. ولذا قال قومه بعدما أرسل يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فلما بعث أتى قومه وأعلن فيهم ما أرسل به. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة كل الرسل دون استثناء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده والبراءة من عبادة ما سواه. هذه دعوة النبيين التي قابلتها الأمم بالتكذيب إلا من رحم الله، وهي الدعوة التي زهد فيها كثير من الدعاة أفرادا وأحزابا، بل يقابلونها بالسخرية والاستخفاف والتجهيل والتضليل. ولذا كثر في الناس من يتوجه إلى غير الله بالعبادة، لكن باسم التوسل بالصالحين ومحبة الأولياء والمتقين، وأننا نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولكن ندعوهم ليكونوا وسطاء بيننا وبين الله، وهذا هو عين ما وقع فيه أولئك المكذبون للرسل، إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque le peuple de Thamoud, le peuple de Salih, ont mécru et renié l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont adoré en dehors d'Allah d'autres divinités, ce crime immense et ignoble, ce péché par lequel, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre péché, le fait d'adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, que ce soit une tombe, un arbre, une pierre, un ange ou un prophète, ou que ce soit un saint que tu invoques ou auquel tu implores le secours ou dont ou auquel tu demandes l'intercession auprès d'Allah, des divinités pour lesquelles tu sacrifies pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme est le plus grave des péchés, sans contestation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quel est le péché le plus immense, il a répondu alayhi salatu wa sallam, c'est de prendre un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Allah azza wa jalla leur a envoyé son serviteur et son prophète Salih alayhi salam afin que la preuve soit établie contre eux et afin qu'ils n'aient plus d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit azza wa jalla sur le sens, en tant que messager et annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Allah Azza wa Jal a choisi Salih. Il l'a choisi, l'a éduqué de la meilleure des façons après, avant qu'il lui ait révélé son message. Allah Azza wa Jal l'a éduqué de la meilleure des façons, au point que Salih était connu au sein même de son peuple comme étant une personne de mérite, une personne louable et qui a de nombreuses et complètes qualités. Comme ils le disent, il relate Allah Azza wa Jal, tu étais auparavant, ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Lorsqu'il a été envoyé à son peuple, il leur a transmis le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Il dit subhanah, et à Thamoud, nous leur avons envoyé leur frère Salih, qui leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Voici l'appel des prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal. Tous les prophètes et envoyés d'Allah, sans exception, ont appelé leur peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans ne rien lui associer. Ils ont appelé leur peuple à adorer Allah et à se désavouer de l'adoration de toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet appel, c'est ce message auquel ont appelé les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est malheureusement un appel que néglige un certain nombre de prêcheurs qui n'appellent pas comme ont appelé les prophètes et messagers, qui ne basent pas leur appel sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains même se moquent de ceux qui appellent au tawhid en disant que ce sont des ignorants et qu'ils prêchent des sujets d'une ère ancienne et qu'aujourd'hui les gens n'adorent plus de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme est grave cette parole qui sort de leur bouche, ils profèrent sans aucun doute un mensonge. Y a-t-il un prêche plus méritoire que le prêche des prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam? C'est pour cela que le polythéisme commence à apparaître à notre époque sous une autre forme. Les gens appellent cela une intercession. Les gens appellent cela un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils considèrent que les saints qu'ils aiment, eh bien, ils demandent, ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une différence entre leurs paroles et la parole des polythéistes qui disaient concernant leurs idoles, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hikmatillahi ta'ala, annahu yu'ayyidu rusulahu bil bayyinati wal ayati al bahirat allati la yaqdiru 'alayha bashar hatta takuna dalilan 'ala sidq nubuwwatihim wa hujjatan 'ala risalatihim annahum mu'ayyadun min 'indillah. وكانت آية صالح الناقة الشريفة العظيمة التي أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم فقال عز وجل هذه ناقة الله وقال لهم صالح لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أي ترد هذه الناقة البئر يوما خالصا لها فإذا شربت منه حلبوها وشربوا من لبنها وفي اليوم الثاني يكون ورد البئر لهم ولدوابهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وأمرهم صالح بأن يذروها تأكل في أرض الله ونهاهم عن قتلها أو مسها بسوء كما قال سبحانه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ومع ما جاءهم به من الحجج والبينات ومع ظهور الحق فيما يدعوهم إليه إلا أنهم أبوا أن ينقادوا للحق إلا قليلا منهم بل قابلوه بالجهل والظلم فقالوا لصالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا لقد علموا أن صالحا عليه السلام لا يدعوهم إلا إلى أن يعبدوا الله وحده ويذروا عبادة غيره مما كانوا يعبدونه هم وآباؤهم من قبل من الأصنام والأوثان ولم يكن لهم حجة على عبادتهم الأوثان إلا أنهم وجدوا آباهم يعبدونها فهم يعبدونها كذلك هم يعلمون أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر بل ذلك بيد الله وحده لكنهم يعبدونها لأنهم وجدوا آباءهم يعبدونها ولم يمنع ذلك الإباء والعناد والاستكبار صالحا من الاستمرار في الدعوة والتذكير والنصح فكان يذكرهم بنعم الله عليهم لعلهم يشكرون الله فيعبدونه وحده وكان يذكرهم بمن هلك قبلهم من الأمم التي كانت الرسل التي كذبت الرسل لعلهم يتعظون فيقلعون عن تكذيبهم ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ركبوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا فما آمن لصالح بعد ذلك الجهاد العظيم إلا قليل من المستضعفين من قومه ممن ليس لهم مناصب ولا رئاسة ولا مال في قومهم وهكذا هم غالب أتباع الرسل وفي هذا درس وعظة لمن اتعظ أن الميزان في نجاح دعوة الداعي هو استقامته في دعوته على الحق الذي جاء الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وليس الميزان كثرة الأتباع والجماهير أو بلوغ المناصب القيادية وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فلا يصلح أن يستفاد من قلة الأتباع أو ضعف الأتباع بطلان الدعوة وفساد الداعي. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soutient et aide ses prophètes et envoyés par des signes évidents, des signes que les êtres humains ne peuvent apporter, pour que cela soit une preuve de la véracité de leur prophétie alayhim salatu wassalam, et que ceci soit une preuve contre leur peuple, et le signe de Salih alayhi salam était cette noble chamelle qu'Allah Azza wa Jal a attribuée à lui-même subhanahu wa ta'ala en disant: voici la chamelle d'Allah. Salih leur a dit que cette chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un autre jour. C'est-à-dire que cette chamelle buvait d'un puits pendant un jour. Et durant ce jour, il n'y avait qu'elle qui pouvait boire de ce puits. Il lui était entièrement réservé. Et en buvant de ce puits, le peuple de Salih pouvait profiter de son lait. Et le jour suivant, c'était au peuple de Salih et à leur bétail de boire de ce puits. Allah Azza wa Jal dit son le sens et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Et Salih alayhi salam leur a ordonné de laisser cette chamelle manger dans la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble. Et il leur a interdit de la tuer ou de lui faire un quelconque mal. Il dit subhanahu wa ta'ala, son le sens: certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Malgré ces signes, qui montrent de façon claire la vérité avec laquelle est venu Salih alayhi salam, eh bien cela ne les a pas amenés à se soumettre à la vérité, sauf une infime partie d'eux. Ils ont répondu à l'appel de Salih alayhi salam par de l'injustice et de l'ignorance, et lui ont dit entre autres: veux-tu nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres ont adoré? Ils savaient pertinemment que Salih alayhi salam ne les appelait à une seule chose, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer, et de délaisser l'adoration des divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux et les ancêtres qui les ont précédés. Ils savaient pertinemment que ces divinités n'ont ni la faculté de créer, ni ne donnent la pourvoyance, ni ne donnent la vie, ni ne donnent la mort, ni n'importe un quelconque bénéfice, mais ils adoraient ces divinités en imitant leurs ancêtres. Et ce détournement, cet entêtement du peuple de Salih à son égard ne l'ont pas empêché, alayhi salam, de continuer et de persévérer dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a cessé de leur faire le rappel, de les appeler, de leur faire rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Peut-être seront-ils reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a rappelé le sort et le devenir de ces peuples qui, comme avant eux, ont désobéi à leurs prophètes et ont connu la destruction et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui à qui Allah azza wa jalla n'accorde pas la lumière, point de lumière à eux. Ils se sont entêtés et se sont enorgueillis face à la vérité et n'ont cru en Salih qu'une poignée d'hommes. Des hommes qui faisaient partie des faibles parmi le peuple de Salih alayhi salam. Ce n'étaient pas des riches ni des notables de son peuple. Et ceci nous montre, chers musulmans et musulmanes, que la balance par laquelle nous pesons l'appel et le prêche d'un prêcheur, c'est sa persévérance dans l'appel à la vérité. La vérité que nous a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala et que nous a explicité son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'on ne juge pas le succès de l'appel d'une personne par ses nombreux suiveurs ou par des gens riches et puissants qui le suivent. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour du jugement, un prophète viendra avec lui un homme ou deux, et viendra le jour du jugement des prophètes, il n'y aura personne avec eux. Personne ne les aura suivis, alors que ce sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله. تقدموا بارك الله فيكم وتزحموا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولما طال بهم الأمد وضاقت أنفسهم من دعوة صالح ومن الناقة تمالأ أعداء الله على قتله وقتل أهله وعلى عقر الناقة. أما الناقة فعقروها، وأما صالح وأهله فنجاهم الله منهم وأدار الدائرة عليهم. فلما عقروها أخبرهم صالح بأنهم سيتمتعون في دورهم 3 أيام ثم يأتيهم العذاب المستأصل. قال سبحانه: قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما انقضت الأيام 3 جاءهم العذاب وتحقق الوعد ونصر الله أولياءه وأهلك أعداءه. فجاءهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم فرجفت بهم الأرض رجفا فرجفت بهم الأرض رجفا عظيما. وجاءتهم صيحة عظيمة عند الصباح فهلكوا عن آخرهم فهم على ركبهم جاثمين وعلى وجوههم جاثمين والعياذ بالله. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فلم تغن عنهم قصورهم ولا جناتهم ولا أجسامهم من عذاب الله شيئا. وقال لهم صالح بعدما هلكوا وهم جثة هامدة: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Et lorsque Salih alayhi salam a persisté dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, son peuple a été pris de lassitude. Ils en ont eu marre de Salih et de son appel, et ainsi également ils en ont eu marre de sa chamelle. Ils se sont alors décidés à tuer Salih, à tuer sa famille et ses proches, et à égorger cette chamelle. Quant à la chamelle, ils l'ont sacrifiée. Quant à Salih et à ses proches, Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait subir un châtiment douloureux. Lorsqu'ils ont tuer la chamelle, Salih alayhi salam leur a informé, les a informés qu'ils pourront jouir de des biens et de leur demeure pendant seulement 3 jours. Puis viendra eux un châtiment incontournable. Il dit subhanahu wa ta'ala, lorsque Salih s'est adressé à son peuple, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Lorsque les 3 jours ont été terminés, lorsque les 3 jours se sont écoulés, le châtiment les a touchés. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est avérée sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à ses alliés et a fait perdre et a détruit ses ennemis subhanahu wa ta'ala. Le châtiment est venu par au-dessus eux. Il est venu également par en dessous eux. La terre s'est mise à trembler d'un immense tremblement et un cri immense est venu les abattre et ils se sont retrouvés morts, gisant dans leur demeure. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Et il dit subhanahu wa ta'ala concernant le cri. Et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. Ni leur palais, ni leur jardin, ni leurs fruits, ni leur corps extrêmement fort ne les ont épargnés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Salih alayhi salam, après que son peuple eut été exterminé, alors qu'ils se sont retrouvés être des cadavres, gisant à même le sol, Salih alayhi salam leur a dit, ô mon peuple, je vous avais transmis le message de mon Seigneur, et je vous avais prodigué le conseil, mais vous n'aimiez pas les conseilleurs. فتلك قصة قوم صالح وما ذكرها الله عز وجل لنا للتسلية والأنس وإنما لنتعظ بها بما فيها ونعتبر بمعانيها وخلاصة عظتها أن من آمن واتقى وعمل صالحا وأطاع الله ورسوله كان من الفائزين برحمة الله ورضوانه الناجين من سخطه وعقابه ومن أظلم وعصى الله ورسوله كان من الخاسرين الخاسئين المستحقين للعذاب والعقوبات العاجلة والآجلة. Voici l'histoire du peuple de Salih, chers musulmans et musulmanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cité cette histoire afin de nous faire passer le temps ou afin de nous réjouir. Mais Allah Azza wa Jal nous a cité cette histoire afin que nous en tirions des leçons et afin que nous en tirions des morales. Et s'il y avait une morale à retenir de cette histoire, et que celui qui croit en Allah Azza wa Jal, celui qui fait preuve de piété vis-à-vis de lui, celui qui accomplit des œuvres pieuses, celui qui obéit à Allah et à son envoyé, fera partie des gagnants, de ceux qui bénéficieront de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de sa satisfaction, ceux qui seront sauvés de son courroux et de son châtiment subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui se fait du mal à lui-même, quant à celui qui est injuste envers lui-même, qui désobéit à Allah et à son envoyé, il fera partie alors des perdants. Il fera alors partie des humiliés, de ceux qui mériteront de subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, un châtiment immédiat comme un châtiment futur. Nasallallahu azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-mu'tabirin. اللهم اجعلنا ممن يعتبرون يا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا